Présou, c'est un ancien végétal, enfin un ancien arbre, pardon, qui a, bon, par exemple, on l'a mis là, on l'a planté là dans le chez Clinton, pour parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, pour qu'il y ait plus d'oxygène, parce qu'il pratique la photosynthèse.